Monte le son. Monte le son. C'est Cassius FM. C'est Cassius FM. Yeah, tout le monde appelle. Là, on a eu 5000 appels qui disaient le standard que c'était débordé, trop là. Pro ce soir. Pedro. Ouais. Les gens disent que c'est trop pro. Il y a tellement de monde qui écoute qu'on va demander à des gens genre tout là, Paris Ouest, Nord-Ouest, ouais. Coupez vos radios parce que ça crée un bug incroyable dans Paris. On peut plus écouter la radio dans l'Est. Et carrément la NASA qui a appelé, ils ont demandé à ce qu'on arrête d'utiliser l'onde magique. Oh là là. Et il se passe quoi là? Alors, c'est Mémé, c'est DJ Mehdi. DJ Mehdi va. Attends, il fait des bisous, DJ Mehdi. Il est pas prêt du tout là. Il fait des bisous. Big bisous. Ok Mehdi. Ok. Mehdi, t'es bon ou pas? Ah, il est toujours là. Il est toujours là. Bon, DJ Mehdi, un petit mix. Oh là là, Cassius, un petit mix là, Mehdi. Fais-nous danser un poilou. Mehdi, avec un guest exceptionnel. Mehdi. Chumping me, but now like chicks, they all beat up on me, and me so horny, I hit them like a groupie, snatch off my hat, lost my dick, and keep it moving, showing and proving, on a day-to-day basis, I rip New York, and a million different places, state to state, country to country, my skills are legend in this style of poetry, I paid my dues to this game, word to mother, East New York, hot to get no rougher, baby bubba been puffing Buddha and Buck since 85, before the fake motherfucker started perpetrating live vibes, achieve map. Niggas roll around the jeeps, I ride the A-train and get mad beats. So when we bang bang boogie, I drop smudge bootop. Chicks comes in flux when DRS rocks the box. All I need it is all done with the mind. I neutralize suckers because I'm out the line. I could go on for days speaking about my clown. So little gats snatch the mic and choke the motherfucker out. That's what I'm called on the street. Looks not in cheap, but really it be. You see, I'm streetwise. A con name, bro. Kicking the Bobby bullshit. Too smart for Willie Bobo. Not stressing 5-0. Hot can is CeeLo. Live in the land of crooks. Yes, Brooklyn's the borough. Homicide sinful. East New York. With a manic. The press is like a word of a storm. Walk like a ninja on the asphalt. Hip talk is cheap. You outline in chalk. And there's more hard times than on good times. And most niggas dedicate their life to crime. So I'm steady scheming. But work for a dime. Used to get tax free loot all the time. All the type slick. Can't fess on root. Before trains were graffiti proof, I used to get loose. Dirty rotten since the days of the deuce. Dirty because of the skin I'm in. The fact I have melanin automatically makes me a felon. Even though I'm righteous, rotten's what you're yelling. But I'm not chain snatching or drunk selling. According to your book, you said I would be damned like Cam Scoundrel. Opposite of the king that I am. But wanna get funny, we get it for me. Take it to the east and back again, money. Filthy future by tricks to pass your sister. Challenge the damager and you'll be pissed. Take this for example, young brothers want rep. Cause in the life they're living, you can't have step. It starts with the young ones doing crime for fun. And if you ain't down, you'll get played out, son. So let's get a car you know I fly with. Get a dent, pull a screwdriver, and be off quick with the dope ride, yeah, and a rowdy crew. We could bag us a Benz and an Audi too. Even a Jeep or van, goddamn, we're getting ours, yo. Take a trip up the strip and be like stars, so it doesn't matter if the cops be scoping. They can't do jack, that's why a young brother's open. To do anything, anywhere, any place. Fuck while in another court case, it's the code of the streets. They might say that we're a menace to society, but at the same time I say, why is it me? Am I the target for destruction? What about the system and total corruption? I can't work at no fast food joint, I got some talent, so don't you get my point? I'll organize some brothers and get crazy loot, selling D-R-U-G-S's and clocking dollars true. Cause the fact though, yo, that suits me fine, I gotta have it so I can leave behind. The mad poverty, never having, always needed. If a sucker steps up, then I leave him bleeding. I gotta get mine, I can't take no shorts. is a flash report. Organized crime, they get theirs on the down low. Here's the ticket, wanna bet on a horse show? You got to be a pro, do what you know. When you're dealing with the code of the streets. Got the tech one dealing, let me express my feelings. Cool has never been one to play a big shot. It's just the styles I got that keep my mic hot. And fuck turning my back to the street scene. It gives me energy, so I'ma keep fiends coming. Just to get what I'm selling. Maybe criminal or felon, dropping gems on your melon. So keep a press to the gangsta, the punk west. Underground rubber next, pounds of respect. I never know the murder is crap. My murder is shit, my brothers know I'm in the code of the street. I keep the gangsta, get the gangsta. Feel me? I spit that Brooklyn. Yo, career crook, nobody rap Brooklyn like me. Jigga Man, volume 3, I'm packed looking like me. Stop the presses, baby girls, drop your dresses. BK, lick the shot for Big Pop in heaven. Ever since I came through, niggas got the impression. Everything I drop, out of the question. Stop the guessing, it's hot, flow's proven. I'm packed cause my dough's moving. My whole crew up in this motherfucker, we spray corners. Standing like you got a cape on you, fine. You'll be wearing a black suit a long time. I put your crew in hard bottoms. The priest is like God's got him. He never did nothing to nobody, but them boys shot him. Brandish iron, outlandish buying. Bentley coupes, not bragging, just simply the truth. We all from the ghetto, only difference we go back. Back up in D&D on his primo track. Listen, I'm so gangster, pretty chicks don't wanna fuck with me. Iceberg, slim baby, ride rims. I'm so gutter, ghetto girl, fall in love with me. You know him well, by the name of Jacob. I'm so gangster, pretty chicks don't wanna fuck with me. You can love me or hate me. I'm so gutter, ghetto girl, fall in love with me. Rockefeller, lock the whole block down. Wednesdays, I'm up to shine, cheetahs Monday night. I'm fucking with the model chicks Friday night at life. So I'm cruising in a car with this bougie bra. She said, Jigga Man, you rich, take the do-rag off. Hit a U-turn, mom dropping you back off. Front of the club, Jigga, why you do that for? Thug nigga to the end, tell a friend, bitch. Won't change for no paper, plus I've been rich. 88 been hustling, Lennon been crushing them. Women been fucking them, huh? You see, I live for the love of the street. Rap to the ruggedest beats. Whole closet cluttered with heat. I spit the murder. That Brooklyn shit. Furthermore, ma, we tow guns to the Grammys. Pop bottles on the White House lawn. Guess I'm just the same old Sean. I'm so gangster, pretty chicks don't wanna fuck with me. Iceberg, slim baby, ride rim. I'm so good, girl, wanna fuck with me. You know him well. The revolution is here. Radio Pirate, Casus FM. Avec un guest exceptionnel, Mehdi. DJ Premier, we gon' help y'all see clear. It's real hip hop music from the soul, y'all. Yeah, exactly. Well, I drop at the levels of unseen, heard. A king with words, can't knock the hustle, but I've seen street dreams deferred. Dark spots in my mind where the scene occurred. Some say I'm too deep, I'm in too deep to sleep. Me, Muhammad will forever speak Greek. Brothers with handshakes on ghetto landscapes, where man is determined by how much a man makes. Cop cognacs and spit old raps with young cats with cigarettes in the air. Licorice stay appear under the fubu is a guru. That's untapped. Wanna be in the rat race, but ain't ran one lap. Ran so far from the streets that you can't come back. You tripping with nowhere to unpack. Forgot that. Rap, real, something you feel. Take the money, never have to run. Here's how it goes, off for the cash, man. Niggas will be ready to blast, man. Mad hoes will be quick to give up the ass, man. Traitors, they'll be robbing your stash, man. Don't wanna end up like the last man. If the price is right, niggas can get trife, alright. They're plotting their scheme all day and all night, and they might even get elaborate enough to plan the illest kind of crime. Fuck the average stuff. This chick who was kicking it with this baller, pretending that she loved him, only really loved all of that is men, so they could rendezvous. Said to his man, forget him, I'm fond of you. So after this group, she put him down with a plan. The utmost betrayal, this nigga's down with her man. But the sex changed everything, they conspired to snake him. Talked about the best time and best way they could bed. She told him where a man kept his dough. She said, yo, tonight he's about to cop some blow. And I know there's at least 50 grand to show. Bring a cap, wear a mask, come through the window. I'll leave the room. It's the 10 crack commandments. Can't tell me nothing about this coke. Can't tell me nothing about this crack. This weed for my hustling niggas. Numbers on the corner, I ain't forget you niggas. My triple B niggas. I've been in this game for years. It made me an animal. It's rules to this shit. I wrote me a manual, a step by step booklet for you to get your game on track. Not your wig pushed back. Rune hombre uno. Never let no one know how much dough you hold. Cause you know that try to breed jealousy, especially if that man fucked up. Get your ass stuck up. Number two, never let them know your next move. Don't you know bad boys move in silence and violence? Take it from your honest. I done squeeze mad clips at these cats for they bricks and chips. Number three, never trust nobody. Your mama set that ass up, properly gassed up, hoodie the masked up. For that fat fuck, I be laying in the bushes to light that ass up. Number four, know you heard this. Never get high on your own supply. Number five, never sell no crack where you rest at. I don't care if they want an ounce, tell them bounce. Number six, that goddamn credit, get it. You think a crackhead paying your back, forget it. Seven, this rule is so underrated. Keep your family and business completely separated. Money and blood don't mix like two dicks and no bitch. Find yourself in serious shit. Number eight, never keep no weight on you. Them cats that squeeze your guns can hold jumps too. Number nine should have been number one to me. If you ain't getting bags, stay the fuck for police. If niggas think you're snitching, they ain't trying to listen. They be sitting in your kitchen, waiting to start hitting. Number 10, a strong word called consignment. Strictly for live men, not for freshmen. On the front board, jump up and get bucked. If you're feeling lucky, duck, then press your luck. I snatch fake gangster MCs and make them faggot flambe. Your nine spray, my mind spray. Malignant myths that'll leave caught defunct. The results, you'll remain stuffed in a car trunk. You couldn't come to the jungles of the East, popping that gang, you won't survive. Get live, catching wreck is our thing. I don't gang bang or shoot out bang bang. The relentless lyrics, the only joke I slang. I'm a true master, you can check my credentials, cause I choose to use my infinite potential. Got a freaky, freaky, freaky, freaky flow. Control the mic like Fidel Castro. Like Cuba, so deep that you can scuba dive. My job's origin is unknown. Oh la la, oh la la la la, le vieux. Bravo DJ Mehdi. DJ Mehdi, merci. Tu mérites DJ Mehdi. Comment tu veux qu'on t'appelle? DJ Mehdi. Didier Mehdi. Didier Mehdi ce soir. Didier Mehdi, Fabrice et Saadi. Fabrice. Ou Fabrice. Fabrice Saadi. Bon alors, il y a ton trip-hop, hein, vraiment un chambé quoi. Spécial DJ premier, Mehdi. Bah ouais, l'autre jour j'ai fait Wu-Tang, là aujourd'hui j'ai fait premier. Ouais, et demain tu fais quoi demain? C'est notre héros à tous, hein, je peux dire. Ouais, c'est notre héros à tous. Ah, ouais. Là, là, t'as quelque chose à dire ou pas, Romain? Bah non, moi je trouve que c'était excellent, voilà. Non, non, mais sur DJ premier, je te disais. Sur DJ premier, non, vraiment. Et sur DJ Mehdi? Sur DJ Mehdi. Là, par contre, le sujet est beaucoup plus vaste. On va prendre tous vos appels. Ouais. Et alors, par contre, là, on a une super surprise pour la suite. Mais ouais, c'est vrai. Un jeune groupe, ils ont fait deux albums qui sont passés un peu inaperçus, mais nous, à Radio Cassius, on croit vachement en eux. Ça va devenir un gros phénomène. Je pense qu'il y a un potentiel. Ça s'appelle Daft Punk. Et donc, c'est Guy Manuel et Thomas Bangalter. Ouais, et je crois. Bah, ils vont nous mettre leur morceau préféré. Putain, on a vraiment de la chance, hein. Ouais, Guy Manuel, c'est ton morceau préféré, là, ou c'est celui de Thomas? Non, c'est celui de Thomas. Thomas, c'est le tien, hein. Alors, Thomas, viens. Thomas, bonjour Cassius FM. Bonjour Cassius FM. Non, mais aux auditeurs, attends, ils sont. Bonjour aux auditeurs de Cassius FM. Et à Cassius FM et aussi. Cassius. Bonjour Cassius Thomas. Alors, moi j'ai amené un morceau d'un monsieur qui s'appelle Raymond Scott. Ah. Et en fait, Raymond, vas-y, fais péter les basses. Que peu de gens connaissent, moi je le connaissais pas. Non, moi non plus. Pour te rassurer, j'ai. Et en fait, c'est vraiment le mentor de mecs comme Robert Moog et Roger Lynn et tout ça. Qui sont des gens qui sont nos héros. On que peut tout le dire. Monde connaît, ils sont DJ ou eux. Et en fait, il a inventé plusieurs choses. Raymond Scott, c'est quelqu'un qui faisait de la musique de publicité dans les années 50, quoi, 50 ouais, et 60. Il c'est a beau, inventé ce passage-là, le 16 pistes. Ouais, ah oui, c'est lui. Ouais, je me rappelle. Il y a tout un petit bouquin là. J'ai une compilation de. Eh bien, merci Thomas. Je propose maintenant que tu envoies ton morceau. Plusieurs appels de. Attends. On avait dit qu'il y aurait toujours 10 minutes sérieuses. Les voilà. Okay. Donc Robert Moog. Non. Il a inventé pas mal de trucs. Et ce que je voulais faire écouter. Ah, on a un appel. Ça y est, le premier appel. Ok. C'est un morceau de 1966. Donc c'est de la techno. Okay. Ah ouais, il est bien. Ça s'appelle The Bassline Generator. Ça dure 3 minutes 10 et ça a été fait en 1966. Et le truc qui est vraiment pas cool 76, ce soir. Ni 86, ni 96, mais ni 2006. Et on fait quelque chose, c'est le premier morceau qui date d'avant notre naissance. Voilà. Non. Je propose sérieusement à la Cassius Radio. Voilà, donc ça s'appelle Bassline Generator, Raymond Scott, 1966, et c'est pas une erreur. Bon, vas-y, fais péter. Vas-y, Raymond. Le morceau du matin, donc. Cassius FM. Yes, Raymond Scott. 1966. Ah, un petit peu tard. Hey, Thomas. Le nouveau isolé. Hein. Ouais, tu as vu ça? On aurait dit beau mot plage. Ouais. Bon, et tu viens pas en parler du morceau ou pas? Ou est-ce que t'en as déjà assez dit? Alors, est-ce que c'est vraiment la couleur du prochain album, Thomas? No beats, only single. Only sounds. Guess you. Guess you. Et alors, on va continuer encore avec un truc sérieux, un autre là. Morceau. Là, c'est Guy Manuel, non? Non, c'est encore Thomas. Thomas, là. Toujours Thomas. Deux fois Thomas, deux fois Guy Man, c'est les invités, ils ont tous les droits. Surprise, on c'est Raymond Burr maintenant. Le deuxième Raymond. Raymond Burr. Raymond Burr, le roi de la base. Tu l'envoies le deuxième morceau ou pas, Thomas? C'est bon? Il y a un problème à la technique. Didier là. Nous allons faire des petits jingles pour l'instant là. Didier à la technique. Sound jingle. Ok, c'est bueno. Vas-y. You know, I've been trying to tell you for a long time just how much I love you. But all I can say is, you're mine forever. There will be no other because love is love. And what we have is much more than love. Nobody will ever take us apart because of you. Life is so real together. Guess who's FM? Guess who's FM? Tu là? Ber. Oh, Ber, ton micro. Yeah. Always there. Alors. Toujours là. Thomas. Yeah, merci. Une explication. Alors, une explication, c'était le morceau de Slave qui s'appelle Because of You sur l'album Slave 88. Ouais. Où est contenu le sample original du morceau Together que. Moi non plus, j'ai pas entendu carrément. Together. On remet le morceau là. Ah, celui-là, forever. Bien sûr. Fou. Ok. Voilà. Un beau moment, quoi. Magnifique. Un bon petit moment. Petite dédicace, c'est DJ Falcon qui est avec nous, quand même. Ouais, DJ Falcon. Ah, oh, DJ! Tu y es pour quelque chose. Encore un DJ. Oh, un DJ. Il y a que des DJ, là. Bon, donc. Et bon, alors. Passe, là, animateur. Alors, on va faire un truc avec Guyman. On passe un de ses morceaux préférés ou il y a la pub? On peut passer un de ses morceaux préférés. Voilà. On va passer. S'il vous plaît. On va passer un morceau préféré de Guyman. Guyman, vas-y. S'il vous plaît, attends, il a dit un truc, Guyman. Il a. Quoi? vois rien. Si, bah vas-y, c'est quoi ton morceau? Non, c'est Earth, Wind and Fire. Ah ouais? Bad Enough. Et bah je sais pas, ça va danser quoi. C'est quoi en fait? Il y a pas d'histoire. T'as amené une compil disco ou quoi? Je sais pas ce que t'as rencontré. C'est la 12, c'est sur le disque 4. C'est trop as. C'est la 12. Eh, Romain, tu nous l'envoies ou pas? Monte le son, c'est Cassius FM. Je me moquais, mais quand même, ça marche toujours ces morceaux. On était tous debout là. Surtout toi, hein, Pedro. Ouais, carrément, on était tous assis là, man. Donc, Earth, Wind and Fire. Liman. Ouais. Alors? Alors quoi? T'es content de ton morceau préféré? Ouais, ouais, mais il n'y a pas l'effet que ça fait quand j'écoute tout seul avec au casque, quoi. Donc, ouais, non, mais c'est un des. Je sais pas quoi problèmes. Passer, j'ai amené que du rock. Bah alors, justement, nous, on est là pour écouter du cœur. Tu connais le slogan de Cassius FM? Vas-y, non. Philippe, donne-lui le slogan de Cassius FM. Du cœur à la techno. C'est Cassius FM. 98.2. Bon, bon, alors, vas-y. Bon, là, il faut envoyer la pub, après, tu nous mets un morceau de cœur. Ouais, ouais, ouais. Ouais, voilà, c'est bon. Un petit break de pub et on encore continue. C'est le bon avec moment pour la Daft. Pub ou pas, là? Ouais. Bon, allez, vas-y, Jean-Jérôme. Allez, GG. FG présente Cassius FM. Cassius FM. Cassius. Il y a du monde dans le studio. Eh, y a du monde dans le studio ce soir ou quoi? Ouais, y a du monde là-bas. On entend rien là. Oh, on a rien entendu. Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Eh, on n'était pas là pour écouter le cœur d'Iman un peu là? Bah si. Eh, attends. Eh, pour ceux qui viennent de prendre l'antenne, Philippe, Cassius FM, on est là jusqu'à 1h du mat. Voilà, des invités, Fitz, des Daft. Des invités par milliers. Ouais, Mehdi. DJ Mehdi, DJ Falcon. Oh, Jess and Crab. Jess and Crab. Sans Jess. Il est parti. Ah, il est parti en plus, c'est trouvé. Bon. Eh, Romain, c'est toi qui nous envoies le disque. FM. Avec un guest exceptionnel, Thomas Bangalter. pirate, Cassius FM. Bip, bip, bip. plus de bordel maximum. Bon, là on a un petit mix Boom Bass, Star, Feeds, Toto Piano. Toto Piano, carrément. Hey, Thomas, ouais. C'était quoi ton morceau? On n'a même pas annoncé son morceau de tout à l'heure. Le Alors, on a commencé avec le morceau de Guimane. Avec When You Dance, You Can Really Love de Neil Young. Guimane, c'était ton morceau préféré, le Neil Young. Viens nous dire. Il faut qu'on fasse un vidéo. S'il vous plaît, là, instant replay. Tu veux le casque, Guimane? Non, ça va. Ouais, non, c'était beau, hein. Et on fait un big up à Guimane parce qu'on savait qu'il y aurait quelqu'un qui mettrait Neil Young. C'est la première fois qu'il y a Neil Young sur FG. Yeah. Ouais, c'était Neil Young, et le morceau s'appelle When You Dance, You Can Really Love. C'est un morceau de Neil Young. I Can Really Love. Ça vient de After the Gold Rush, et en fait. Qui est un album excellent. Peut-être le meilleur. C'est celui qu'on doit acheter, Hubert. Attendez, Mehdi, ça l'intrigue, en fait, là. Je l'ai amené parce que la dernière fois qu'on était en voiture, dans ta voiture, Philippe, t'écoutais ça, et c'est un peu un artiste, apparemment, sauf si t'as parlé avec Thomas, que chacun de nous, séparément, on aime beaucoup. Depuis, il en a parlé, il aime plus trop. Non, c'est une blague. Voilà. Et donc, un héros à tous, encore un héros ce soir. Un cowboy. C'est la pub là en fait, Jean-Jérôme, c'est ça? Ouais, mais on a. Philippe, attends, on est en train de parler pendant la. Attendez, il y a Mehdi qui a un truc à dire. Ouais, Mehdi, vas-y, dis ton truc. Non, j'étais en train de discuter avec les gens présents dans le studio et on se demandait, Philippe, si c'était soit. La société en ce moment vit une crise des 35 heures, toi on se demandait si c'était pas la crise des 35 ans. Ah. Et on se demandait pourquoi tu mettais que des disques de techno comme ça et tout. Et puis on m'a dit que t'avais récemment parlé du problème des free parties. Ok, Mehdi, alors donc j'en prends le micro. Et tout ça. Oh, bébé. Je voulais savoir qu'est-ce que t'en pensais, quoi. Écoute, voilà. 35 ans, ça y est, c'est fait. Vive la tech. Bon, Cassius FM, on est toujours là sur 98.2. On célèbre pour la troisième nuit consécutive la sortie de Au Rêve, l'album de Cassius, qui est sorti lundi. Foncez l'acheter carrément. Alors, on se retrouve après la pub. Bon, Pedro, t'as vu quand t'es tout seul, c'est tout bizarre, non? C'est tout pourri, tu veux dire? Non, c'est tout bizarre. Bizarre avec un P. Et attends, juste avant la pub, on voudrait juste te dire, après, il y a Romain qui met du booty. Ah, Romain Beno, une petite booty session. Non, mais c'est quoi le booty? Attends, Romain. Ah, l'auditrice! Non, l'auditrice! Attends, il y a la pub. Booty, en anglais, ça veut dire les fesses. Ouais. Alors, c'est pour le cul. C'est les morceaux cul. Voir même le booty. Moi aussi, j'en ai du booty.